Tu sors toutes tes dentelles te fends d'un sourire là. Des lunes j'attends ça, moi, chez toi, chez moi même. Même tu cassames, même sais-tu, ces si longs silences d'or, ces tyrans des mois là. Aimes-tu tant qu'à ça, le yin-yang, est-ce tout d'un que ça? Aimes-tu tant qu'à ça, le yin-yang, c'est tout d'un que ça? Détends ses soucis noirs, fais tes yeux chinois. De 10 doigts menus, tu joues sur mon âme nue. Voler de cailloux, puis doux baiser des joues. De cris de claques sèches, les coups à lifter. Aimes-tu tant qu'à ça, le yin-yang? Aimes-tu ton cassam, le yin-yang, c'est tout d'un ça. Même tu cassam, même tu toi là, même tu toi là. Même tu toi là. Même tu toi là.